Bonjour Blockbuster, c'est Emily. Je voulais te remercier parce que grâce à toi, je passe un super été. J'ai pu regarder Toy Story avec mon fils de 5 ans. Je les avais jamais vus et grâce à toi, bah, je les ai regardés. J'ai re-regardé les Goonies. Mes amis me parlent de Lovecraft depuis des années. Tu m'as donné envie de les lire. Ouais, salut Fred. Bah écoute, c'était pour te remercier une fois de plus de ton émission Blockbuster. Là, vous avez enchaîné les thématiques. C'était beaucoup trop bien. Entre Dark Souls, la K-pop, Chadwick Boseman, Ulysse 31, Britney Spears. Enfin, voilà, c'est vraiment un régal à vous écouter à chaque fois que je sors du boulot. Ça me réjouit. Voilà, je pense à autre chose, ça me réjouit. Et on se cultive, et ça, c'est super intéressant. Donc, voilà, je suis aux anges, je suis heureux. Merci d'exister, merci d'être là. Et je peux mourir heureux. Merci, merci Blockbuster. Ne t'arrête pas cette année. Continue encore de longs étés. J'ai encore plein de choses à découvrir avec toi. Merci. To be or not to be, not to be. Quand j'étais petit, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Et ils n'étaient clairement pas de cette génération qui demande aux enfants ce qu'ils veulent regarder à la télé. Pas de Gulli, de Coucou les Zouzous, Netflix Kids ou Disney Prime. Que dalle! C'était « Nous, on regarde ce qu'on veut parce qu'on a connu l'occupation et toi, bah, tu peux regarder aussi tant que tu fais pas de bruit. » Du coup, j'ai passé beaucoup de temps devant des séries telles qu'Arabesque, Hercule Poirot, Columbo, Derrick. Et ce qui m'a toujours fasciné dans ces séries, c'est que les criminels ne courent jamais. D'ailleurs, les enquêteurs non plus, hein. Pas de course-poursuite, pas d'explosion, juste une démonstration orale d'un détective et un criminel qui s'avoue vaincu. Bien joué, c'est moi, je me rends. Alors vous allez me dire, cynique que vous êtes, ils vont pas demander aux acteurs de ces séries de faire ce que les spectateurs ne font plus. Mais je pense que cette absence de confrontation physique est surtout due au fait que ces séries faisaient la part belle aux confrontations mentales. C'était uniquement intellect contre intellect. L'acuité cérébrale de l'enquêteur se mesurant au machiavélisme du criminel. Finalement, la télévision n'a pas attendu le jeu de la dame pour mettre en scène des parties d'échecs. Un criminel qui fuit, n'en déplaise à Carlos Ghosn, c'est un criminel qui perd deux fois. Dans ces séries, policiers et assassins avaient une sorte de bushido personnel qui leur donnait une forme de noblesse. Commettre un crime, oui, mais s'enfuir une fois ce dernier résolu, c'est ça qui sépare le gentleman du criminel. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Quelle surprise! Une figure de connaissance! Mon vieil ami Hercule Poirot. Blanchet, cher ami, comment allez-vous? Quelle joie de vous revoir. Vous surgissez à point nommé, vous allez être mon sauveur, assis-vous. Ah oui, qu'y a-t-il? Tel que je vous connais, vous avez dû trouver le dîner mauvais. Non, la présentation trompe sur la qualité du kebab et l'étiquette de la bouteille sur celle du vin. Mais quant à ce café... Heureusement, je suis rappelé d'urgence à Londres et je pars ce soir. J'espère que vous prenez l'Orient Express. Non, bien entendu. Mais c'est merveilleux. Alors nous allons nous voir pendant 3 jours. Quelle chance. Eh bien, ce soir, nous dînerons dans le train. Agatha Christie est l'autrice la plus publiée au monde, une des plus traduites aussi. Cette impératrice du roman policier qui a créé des personnages aussi cultes qu'Hercule Poirot ou Miss Marple, Agatha Miller, devenue Agatha Christie puis Agatha Malowan, a eu une vie personnelle tout aussi passionnante que son œuvre. Pour revenir sur la vie incroyable de cette femme qui a vu et fait plus de choses durant son existence que bien des gens, j'ai avec moi Estelle Manceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse et youtubeuse sous le pseudo Petite Lectrice. Merci, oui. Avec nous également Béatrix Delaulnoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, historienne et autrice du livre Les 1000 vies d'Agatha Christie aux éditions Talendier. Absolument. Ensemble, on va tenter de retracer le parcours d'Agatha Christie, on va évoquer son travail, ses best-sellers, mais aussi ses multiples vies en une. Bref, on va essayer de comprendre comment cette femme est devenue le giga-blockbuster de l'édition qu'elle a encore aujourd'hui 45 ans après sa mort. Mesdames et messieurs, sachez-le, ce blockbuster consacré à Agatha Christie n'est possible que par l'admirable doigté de Florian de Rémigny à la technique et Maxime Goudard au mixage. Puisque c'est moi qui vous le demande, vous ne pouvez pas refuser. Mais c'est le rôle de la police yougoslave de faire l'enquête. Mais... pensez donc questionner mes voyageurs sur ma ligne. Ça, jamais. Non, il faut que vous ayez éclairci ce mystère. Avant notre arrivée à Broad, et une fois là-bas, nous pourrons mettre la police devant le fait accompli, et je n'aurai qu'à dire, il y a eu un meurtre, et voici le criminel. Alors je veux que le Pullman soit entièrement réservé à mon seul usage comme bureau. Tout ce que vous voudrez. Ah, cher ami, merci. Il me faut le plan de la voiture de Calais avec la répartition de ses occupants et leur nom. Je le fais établir tout de suite. Ainsi que les passeports de tous les voyageurs en question. Je vous donnerai même le mien. Et je vais commencer par prévenir tout le monde. J'y vais, hein. Pierre, remettez tous les passeports à Monsieur Poirot. Vous l'avez reconnu, c'était un extrait du crime de l'Orient Express. Alors, Béatrix, je me tourne vers vous pour savoir combien de romans Agatha Christie a-t-elle écrit et surtout dans combien de langues a-t-elle été publiée ? Alors, elle a écrit 66 romans, 144 nouvelles et elle a été, on ne peut pas savoir le nombre, elle a été publiée dans le monde entier. En 1980, l'UNESCO a donné le chiffre de 400 millions de livres vendus. C'était juste après sa mort, en 1972, quand Agatha Christie est morte, sa fortune s'est élevée à 4,8 milliards d'euros d'aujourd'hui, ce qui est incroyable. Et vraiment tout ça, toute seule. Alors ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette fillette victorienne, surdouée, à l'imagination délirante, mais qui n'a jamais été à l'école, mais qui fera toute sa vie des fautes d'orthographe, va devenir l'auteur. Alors vous dites le plus vendu, moi je pensais que c'était le plus vendu après Shakespeare, oui. L'auteur de langue anglaise. J'ai dit l'autrice. L'autrice, oui, voilà. Pardon. Et voilà, c'est pour ça, j'ai fait le distinguo, j'ai dit l'autrice. Et voilà, bon, elle avait une imagination formidable, hein. Toute petite, elle se racontait des histoires. Elle dit, du plus loin que je me rappelle, je me racontais des histoires dans le jardin. À ses chatons. À ses chatons. Et puis après, elle a eu Mrs. Green avec 100 enfants qui couraient derrière elle. Elle avait un canari apprivoisé. Elle avait un chien que son père lui avait donné, qu'elle avait appelé Lord Dicky et qui vivait plein d'aventures. Elle avait un cerceau qui se transformait en cheval, en métro. Bref, elle s'ennuyait jamais. Elle jouait pas avec ses jouets. Sauf avec ses maisons, parce qu'elle adorait déménager ses maisons. Et d'ailleurs, toute sa vie, dès qu'elle aura un peu d'argent, elle achètera des maisons. Elle en aura jusqu'à 8 à la fois. Mais elle jouait pas avec ses jouets. Et alors, elle était toute seule, parce que elle avait deux frères et sœurs, mais qui étaient beaucoup plus âgés qu'elle, qui avaient 10 ans de plus et qui étaient en pension. Donc, elle a été élevée par une vieille nurse qui n'avait lu qu'un seul livre, la Bible, et qui l'élevait selon des principes très victoriens, très stricts, mais qui avait travaillé aux Indes. Et donc, tout de suite, elle lui a raconté aussi des histoires de tigres, d'éléphants, de serpents. Et sa mère lui racontait tous les jours une histoire qui s'apparentait un peu à un roman policier déjà. Et Agatha Christie, elle adorait ça. Estelle Manceau, donc on a vu un petit peu comment le goût de l'imaginaire est né dans l'esprit d'Agatha Christie. Et vous, à quel moment avez-vous découvert l'œuvre d'Agatha Christie et en quoi vous vous êtes dit « Oh là, je suis en train de lire quelque chose de très spécial ». Alors, moi, ma première expérience a été au collège. Je devais avoir 12-13 ans. Et en fait, j'étais portée sur des bandes dessinées des années, je pense, 70-80, qui étaient notamment les Lily et les Agi. Et à ce moment-là, ma tante, à qui je piquais clairement toute sa bibliothèque, m'a offert mon premier Agatha Christie en me disant « Écoute, je pense que c'est ton style. Si tu commences à aimer le policier, c'est là-dessus que tu devrais te pencher. » Et j'ai commencé par Le meurtre de Roger Ackroyd, qui jusqu'à présent reste encore mon Agatha favori. Et voilà. Et c'est puis son après, premier gros succès, je crois. C'est son premier gros succès, oui, qu'elle aura suite ou parce qu'elle a eu sa disparition. Mais indétrônable pour ma part. Car j'ai vraiment adoré, bien sûr, le twist qu'on ne révélera pas. Mais voilà, c'est par là que j'ai commencé à avoir le virus Agatha Christie et au fil de mes lectures à admirer l'autrice qu'elle est et la personnalité qu'est Agatha, qui est une personne fascinante. On le verra, je pense, tout le long aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est assez, qui moi-même m'a vraiment subjugué en me penchant sur sa vie. C'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que dans une société qui a été quand même très codifiée, très corsetée, en fait, elle a suivi les règles parce qu'on lui a dit qu'il fallait les suivre, mais elle s'en est affranchie en permanence. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais on a vraiment l'impression qu'elle a été libre tout le temps. Oui, les gens normaux font ça, mais moi j'ai envie de faire autrement. C'était une aventurière. Vous savez, quand elle a pris l'Orient Express en 1928, juste après son divorce, elle pensait aller faire du surf à la Jamaïque, et puis 3 jours avant, elle a rencontré un général qui lui revenait de Bagdad, et qui lui a dit c'est une ville merveilleuse, et elle a changé son billet, elle est partie toute seule, elle a visité Istanbul, Damas, et elle a connu l'extase en prenant son premier petit déjeuner dans le désert. Elle adorait le désert. Et quand elle a rencontré son second mari, l'archéologue, qui avait 15 ans de moins qu'elle, qui était vraiment quelque chose d'incroyable, hein, parce que sa propre sœur ne viendra pas à son mariage, tellement elle était choquée par la différence d'âge. Et d'ailleurs, elle se mariera secrètement en Écosse pour éviter les journalistes. Parce que c'était quelqu'un de très timide, oui, qui voulait vraiment préserver le secret autour de son existence. Vous savez, au départ, elle ne voulait pas être écrivain, elle voulait être pianiste professionnelle. Et à 16 ans, elle était à Paris, où elle travaillait 7 heures par jour, son piano avec les meilleurs professeurs. Et puis, à la fin de l'année, on s'est aperçu qu'elle était incapable d'affronter un public et qu'elle était handicapée par une timidité maladive. Alors après, elle a voulu devenir soprano parce qu'elle avait une voix claire, magnifique. Très bien, oui. Et donc, elle a pris encore des cours à Londres et à Paris. Et encore là, le verdict est tombé. Elle n'était pas, cette voix n'était pas capable de lui permettre d'être une diva. Et comme pour Agatha Christie, la caractéristique, c'est le culte de l'excellence, elle a tout laissé tomber. Elle a décidé de devenir une épouse modèle. Elle va rompre 3 fois des fiançailles. Et puis, elle va avoir 2 maris. Avec le premier, elle va partir faire le tour du monde. Avec le second, donc, elle vivra 6 mois par an dans le désert. Et c'est une vie qui lui conviendra parfaitement. Mais ce qui est fou, c'est que quand on lit, par exemple, des bandes dessinées telles que Tintin, où on a cette figure de journaliste qui vit, qui passe son temps à Boulinsard et puis qui parcourt le monde et qui vit plein d'aventures. En regardant la vie d'Agatha Christie, je me suis dit, en fait, Tintin, c'est une femme et il s'appelle Agatha Christie. Parce que vraiment, tout ce qu'elle a fait, ses rencontres avec l'étranger, l'archéologie dans le désert, le tour du monde, je fais du surf, c'est... Elle était championne de surf. Elle était championne. Enfin, la première anglaise à tenir sur une planche à Hawaï. Ah oui, c'est incroyable. En fait, et elle dira, c'était l'extase physique la plus formidable que j'ai jamais connue. Elle fonçait à 300 à l'heure. Estelle Monceau ? En fait, elle a pris vraiment tous les codes de la société et puis elle a décidé de les affronter en tant que femme et elle s'en est jouée dans tous ses romans finalement, puisqu'elle a pris ses codes et elle a décidé que ses personnages allaient les prendre de haut et de par le cynisme d'Hercule Poirot notamment, elle va se jouer de ces codes, de cette aristocratie qu'elle fréquente, dont elle est issue. Vous le disiez notamment avec son éducation victorienne. Elle va renverser la table, elle le fera elle-même et elle mettra aussi ses personnages en scène avec cela. Et c'est pour ça que ça fait sa richesse, finalement. Et Estelle Monceau, qu'est-ce qui définit le style d'Agatha Christie ? Vague question. Son style, il est vraiment, je pense, comme je disais tout à l'heure avec Béatrice, on est vraiment sur quelque chose. Elle était la précurseuse du cosy mystery, du cosy murder qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une femme qui a pris les codes du policier et qui en a rajouté beaucoup de choses. Elle a rajouté beaucoup d'ingrédients, comme si elle prenait une recette de grand-mère et elle y a ajouté vraiment sa touche personnelle. Elle a un style propre. Elle a cet humour cynique qui vient pimenter une enquête qui est elle-même extrêmement bien ficelée, hein, on peut le dire. Elle écrit merveilleusement bien les acariâtres. Oui, effectivement. Et puis elle joue vraiment des personnages qui sont méchants. On a envie de les aimer et puis on les déteste. Et aussi également le personnage de Miss Marple qu'on n'a pas le droit d'aimer, mais qui est quand même assez extraordinaire. Et elle en fait des ouvrages exceptionnels avec des twists qui vous retournent le cerveau parce qu'on est sûr de savoir, mais on ne sait jamais vraiment qui est le meurtrier. Béatrix, Vous, comment vous l'avez définiriez ? Mais écoutez, je crois qu'elle a complètement renouvelé le genre du roman policier. Avant, c'était des histoires épouvantables. Moi, j'en ai lu beaucoup. Rien que les chiens des Baskerville de Conan Doyle, ça met en scène une bête atroce qui dévore les héritiers Baskerville la nuit, en plein milieu de la lande, dans la brume. Et puis, il y avait d'autres romans policiers qui n'en finissaient pas. Wilkie Collins, c'était 800 pages. Dorothy Sayer, la présidente du Detective Club, qui était la grande amie d'Agatha Christie, 450 pages. Agatha Christie, rien de tout cela. Elle faisait 200 pages, pas plus. Ses livres étaient truffés de dialogues qu'avec son oreille musicale, elle arrivait à reproduire parfaitement, avec des phrases courtes, des mots pas compliqués, sans référence politique, sans référence juridique. Donc ça pouvait être traduit dans le monde entier. Et elle avait des personnages universels, alors des riches héritières fortunées, les ex-femmes jalouses, les politiciens corrompus. Et c'était un peu des contes de fées pour adultes, en fait. Hein. Et son ambition, elle ne s'en cachait pas, c'était de faire passer un bon moment à ses lecteurs au coin du feu, en les laissant chercher et deviner le coupable avant Hercule Poirot. C'est ça. Elle rend finalement très accessible le policier, le genre policier, voilà, à peut-être une population qui n'avait pas forcément accès ou qui se disait qu'il était réservé à l'élite. Le genre policier était peut-être réservé absolument à l'élite. Agatha va donner cette chance aux lecteurs et lectrices de découvrir un genre et d'y avoir accès de par eux-mêmes. Et ce n'était pas si facile, hein, parce qu'elle se donnera beaucoup de mal, puisque toujours c'est éditer l'excellence et elle sera la meilleure. Alors Thierry Dupin, notre programmateur musical, a sauté sur l'occasion pour nous trouver une petite pépite dont il a le secret. On écoute Christy Loom qui nous chante Agathe ou Christy. Poupée, comment tu t'appelles ? Et j'ai répondu, moi je m'appelle Agatha. Elle s'appelle pas Agatha. Je m'appelle Christy. Mais quel drôle de train que ce train-là. Tout le monde se bouscule dans le couloir. Je n'y comprends vraiment rien, je suis complètement perdue. Ah oui, mademoiselle, vos papiers, s'il vous plaît. Et j'ai répondu, moi, je m'appelle Agatha. Vous n'êtes pas Agatha. Je m'appelle Christy. J'ai quitté le train cette nuit-là pour m'en aller au commissariat. Je n'ai Agathe ou Christy de Christy Loom dans Blockbuster sur France Inter. Ainsi, c'est vous l'aviateur. Oui, mademoiselle. C'est moi qui l'ai été autrefois. Vous vous remettrez très vite ici. C'est si calme. Je l'ai cru jusqu'à ce matin, Miss Marple. Limstock, un village où il n'arrive rien. Rien qu'une lettre anonyme. Une lettre anonyme ? Mais c'est passionnant, ça. Vous en avez reçu une, vous aussi ? Pourquoi aussi ? Parce qu'il en arrive pas mal depuis quelque temps à Limstock. Ici ? Oui, Burton. J'ai eu la mienne. Symington également et quelques-uns de mes malades en ont reçu d'assez ignobles. À Limstock, un village aussi paisible, aussi candide. La nature humaine étant ce qu'elle est, cher monsieur, c'est toujours dans les villages les plus paisibles que ce genre d'épidémie se propage. Ceux qui n'ont pas la paix en eux répugnent à la voir autour d'eux. Mais vous parlez d'épidémie, mademoiselle. Nous n'en sommes pas là, j'espère. Je n'en sais rien, Burton. Ça gagne vite en général. Nous sommes toujours avec la blogueuse Estelle Manceau et l'historienne et journaliste Béatrix Delaunay pour parler de l'incroyable Agatha Christie. Et on vient d'entendre un extrait de La Plume empoisonnée. J'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle est préparée par Emma Ferret et Manon Rax, notre stagiaire Romain Soradonac et notre stagiaire réalisation Véronica Meyer. Alors, j'ai envie de vous poser une question, parce que c'est vrai qu'elle a lu très très tôt des plein d'auteurs et plein de romans policiers. Est-ce qu'elle a des auteurs qui l'ont particulièrement marqué ? Oui, il y a Gaston Leroux. Elle a refermé le livre. Le mystère de la chambre jaune. Voilà, publié en 1907. Et elle a dit à sa sœur, moi aussi, je publierai un roman policier. Et en fait, ça s'est passé beaucoup plus tard, puisque ça s'est passé pendant la guerre. Elle était devenue infirmière et préparatrice en pharmacie. Et là, elle a découvert que certains médicaments, à certaines doses, pouvaient devenir des poisons. Et donc, ces héroïnes... parce que celui qui devait être son mari était parti au front. Et voilà. Elle-même s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme à cette époque, beaucoup de femmes embrassaient la carrière d'infirmière, parce que c'était le début du Caire, comme on dit. C'est là qu'elle a découvert la manière de doser les poisons qui peuvent être des médicaments dans certains cas et pouvoir des plantes. Et ça, c'était très nouveau aussi, parce qu'avant, il y avait beaucoup de sang, tandis que dans les romans d'Agatha Christie, il n'y a pas de sang du tout. Mais on tue avec un poison... Et non, avec un poignard ou un pistolet, ce qui est beaucoup plus élégant. Et il y a aussi notamment Maurice Leblanc qui l'a marqué, je crois. Oui, également, tout comme même Conan Doyle, qui est dans la même veine, qui va être aussi un de ces auteurs qui vont l'inspirer et qui ont une trame par laquelle elle va commencer, mais finalement, encore une fois, elle va juste s'en inspirer et faire quelque chose qui lui ressemble vraiment, qu'elle va personnifier cette inspiration-là. Et on a parlé tout à l'heure de sa maman. Son père était américain, et c'était une maman qui l'a élevé de manière assez sévère et dans les respects des codes victoriens, mais qui en même temps avait aussi un côté assez ésotérique. Elle faisait tourner les tables, comme Conan Doyle d'ailleurs aussi. Il y avait cet aspect un petit peu pittoresque. C'est complètement ça. Elle va en fait être un petit peu à côté des codes qui sont dans les grandes lignes de l'aristocratie de l'époque. Et puis finalement, sa maman, elle va l'inspirer également dans l'ésotérisme, dans les cartes, dans le mystique qu'elle va aussi instaurer, l'ambiance mystérieuse qu'elle mettra aussi dans ses ouvrages. Il y a tout ce mystère qui touche aussi le poison, l'élégance, mais l'élégance mystique, les fantômes du passé qui viennent, qui vous parlent, qui vous hantent. Et ça, ça vient vraiment de sa maman qui va l'inspirer là-dessus. Oui, parce que le père faisait beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, donc il était assez souvent absent. Et elle, comme elle était avec cette maman... Il est morte quand elle était très jeune. Elle avait 11 ans. Et d'ailleurs, elle faisait beaucoup de cauchemars de par le fait que, je pense que sa mère, en lui disant « Viens, on va appeler des fantômes », forcément, à 11 ans... Il y a deux grandes figures, finalement, féminines, qui vont inspirer Agatha. C'est à la fois sa maman, dans ce côté mystérieux, et aussi sa grand-mère, donc paternelle, qui va la garder aussi dès son plus jeune âge. Elle va venir chez sa grand-mère y vivre de grandes aventures seule et pas que... Cette grand-mère un peu fantasque qui va lui inspirer notamment, je pense, Miss Marple, qui lui ressemble, qui est une dame qui vit dans un petit village et qui va se jouer de tous les cancans du village autour d'une tasse de thé. Et Agatha va avoir ces deux figures et qui vont l'inspirer dans ses romans. Et la France aussi occupe une place particulière dans la vie d'Agatha Christie. Oui, elle a vécu 2 ans en France, en fait. Une première fois, quand le père est tombé malade, ils sont tous partis à Pau, qui était réputée pour être une des villes où l'on vivait le plus vieux. et à cause des sources d'eau chaude. Et donc, elle a vécu un an en France et elle aura toujours l'accent du sud-ouest, puisque c'est là qu'elle va apprendre le français. Et puis après, elle va aller à Paris. De cette femme Marie Giner qu'elle a rencontrée. Voilà, qu'elle aimait beaucoup. Mais surtout, sa grand-mère était une folle de théâtre, son père aussi. Et la grande popularité, le grand succès d'Agatha Christie va venir aussi de ses pièces de théâtre après, hein, après la guerre, en 1960. Elle va devenir la reine du West End, elle va avoir 3 pièces en même temps. Et ça sera le grand bonheur de sa vie, parce qu'elle se considérait pas vraiment comme un écrivain. Et ce qui lui faisait plaisir, c'est d'être à l'affiche au théâtre. Ça l'amusait beaucoup. D'ailleurs, elle jouera elle-même enfant des pièces de théâtre dès très jeune. Elle sera sur le devant de la scène, alors toujours avec sa timidité, mais qui derrière l'influencera dans l'écriture de ses différentes pièces de théâtre. Et elle avait l'impression que sa voix ne lui appartenait pas, et donc à ce moment-là, toute timidité parlait. Mais malheureusement, cette voix n'était pas assez forte. Elle aurait aimé être une grande cantatrice. Et dans son premier roman, parce qu'elle a écrit aussi 6 romans signés Mary Westmacott, qui étaient des romans plus autobiographiques, et dans le premier, Musique barbare, elle met en scène une cantatrice, et c'est poignant parce qu'elle dit « je ne chanterai plus jamais », et c'est dramatique, quoi. Et c'est vraiment Agatha Christie qui est là aussi. On le dit pas assez, mais la musique a beaucoup, beaucoup compté pour elle. C'était une virtuose, hein. On parle de musique, et ben on va continuer de parler évidemment de la Queen Agatha Christie, mais justement, en parlant de musique, on va écouter Prince avec Born to Die. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto, from New York to L.A. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she said. So high. C'était Prince avec Born to Die. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Emily Brent, une vieille fille acariâtre au visage ingrat, paraît, une valise à la main. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Oh, vous êtes mademoiselle Brent, je pense. Mm-hmm. Je suis la secrétaire de madame Onim, qui à son grand regret ne pourra être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs? Non, personne ne nous a présenté. Le général Mackenzie, le capitaine Lombard, monsieur Martin et... Davis, c'est Davis que je m'appelle. Posez donc votre valise. Non, je sais ce que j'ai à faire. Venez boire avec nous. De l'alcool? Non, jamais. Voulez-vous du sirop? C'est pour explorer la cave que vous êtes permis de partir sans nous, dans le premier canot? Oh, je suis seule coupable, mademoiselle. J'avais cru De toute manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités? Je la remplace comme je peux. En nous filant sous le nez? Il y a tout de même des différences. Vous l'avez dit, je suis sûr que madame Onim n'est pas aussi bien balancée. Je suppose que madame Onim aura été retenue par son mari. C'est d'une impolitesse. Enfin, quel procédé. C'était un extrait de « Ils étaient 10 ». Et figurez-vous qu'en août 2020, les éditions du Masque, qui éditent l'œuvre d'Agatha Christie en France, ont annoncé qu'ils allaient changer le titre du roman « Les 10 petits nègres ». Et ça, voyez-vous, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Vous le connaissiez sous le nom Dix Petits Nègres. Il s'appelle désormais Ils étaient 10. Moi, je trouve ça ridicule. Il ne faut pas couper les œuvres d'art ou les romans de leur contexte. Je trouve ça complètement débile. Je trouve que un mot est un mot. Ça a provoqué un tollé sur Twitter. La censure des œuvres du passé fait une nouvelle victime. A par exemple tweeté Eric Nolot. La connerie a encore frappé. La réécriture du passé s'accélère, écrit l'essayiste Laurent Alexandre. Cette course à la pseudo-bien-pensance est une blessure réelle à la mémoire. C'est absurde, ça s'appelle le politiquement correct. On peut tout lisser, mais toujours est-il qu'un livre se replace quand même dans son temps. Donc par exemple, ce serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi Agatha Christie les a pas appelés les 10 petits noirs, mais les 10 petits nègres, parce qu'on est voilà à la fin du 19e, au début du 20e, parce que, etc. Vous voyez, c'est ça en réalité qui est passionnant dans la culture, c'est qu'au lieu de juger, on devrait juste lire. Moi, je l'appellerais toujours les 10 petits nègres. Et je ne penserais pas faire un acte absolument effrayant en le faisant. Un mauvais moment à penser. Ah, la France et son sens de la mesure. Blessure réelle à la mémoire. Donc, partant du principe que, il faut le préciser, que c'est une polémique qui a surtout concerné la France, dans le sens où le titre avait déjà changé aux États-Unis depuis 1940 et en Angleterre depuis 1980. Et à la fin, il n'y a plus personne. C'est comme ça qu'il s'appelle quand on traduit littéralement en anglais. C'est ça. Et c'est devenu, en fait, l'île aux nègres devient l'île aux soldats, ils étaient 10, en fait, donc ce sont 10 soldats et non plus 10 nègres dans la comptine. Et pourquoi pas, finalement, tant qu'on lit cet ouvrage, je pense que la voix a été donnée aussi aux héritiers d'Agatha Christie. Et c'est le petit-fils d'Agatha Christie qui a demandé. L'arrière-petit-fils, oui. Mais c'est vrai que quand il a été publié aux États-Unis, en 1939, il s'appelait déjà Hansen Zerwernon. Et quand René Clair a tourné le film en 1947 pour Hollywood, c'était 10 petits Indiens. Mais on peut pas accuser Agatha Christie d'être raciste, puisque c'était une comptine qui datait de la guerre de sécession. Et son père, qui était américain, lui ramenait beaucoup de livres, justement de contes, de comptines, d'histoires comme ça, illustrées. Et elle s'en est servie pour beaucoup de ses livres. Ça, un petit cochon s'était tiré de ça aussi. Les trois souris aveugles qui deviendront la souricière aussi. Et donc, Dix petits nègres, voilà, pour elle, il n'y avait aucun problème. Et le livre a dû exister. passé comme ça, aux États-Unis d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et est-ce que quand ils ont changé le titre aux États-Unis, on a eu affaire à une levée des boucliers comme ça a été le cas Non, là, parce qu'il a été directement changé. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il a été directement changé. La pièce s'est tout de suite donnée à New York en 1943, à Broadway. Et ce titre était « And there were none ». Il n'y en avait plus, il n'en restait plus. Voilà. Et en Angleterre, en 1980? Ça, j'ai pas eu l'impression. Alors, je sais pas comment ça s'est passé à ce moment-là. Je pensais que ça avait continué, Deep Tea Negre, je ne sais non, pas. Non, pourquoi. Ils ont changé le titre aussi en 80. Les années 80. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, on en a beaucoup moins entendu parler qu'en France, manifestement. Oui. En tout cas, ça a été son premier grand succès. Extraordinaire. Et ça s'est vendu à 100 millions d'exemplaires, Deep Tea Negre ou pas Deep Tea Negre. Exactement, et ça continue d'être réadapté. Il y a encore. On l'a vu cette semaine d'ailleurs. Une semaine, voilà, une émission, enfin, une mini-série de M6. Réalisé par Pascal Laugier. Mais on est passé un petit peu vite sur sa rencontre avec son premier mari, parce que il se passe tellement de choses ensuite par rapport à lui que ça vaut le coup d'y revenir. Parce que c'est une époque où on ne choisit pas son mari, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est une société où les jeunes filles de bonne famille ont droit à des sortes de soirées où elles se mettent assises et elles attendent que quelqu'un vienne leur proposer de danser. Enfin, Agatha Christie, elle a quand même rompu 3 fois des fiançailles. Oui. Et elle était fiancée quand elle a rencontré Archibald Christie. Ça a été un coup de foudre d'Archibald Christie, hein, parce que elle, c'était une jeune fille qui avait tous les talents. Elle chantait, elle écrivait, elle jouait du piano, elle dansait merveilleusement, même le tango. Et donc, ils se sont rencontrés dans un grand bal. Et puis, il est arrivé deux mois plus tard chez elle, en moto, un soir. Et d'ailleurs, sa maman n'était pas d'accord. Pas du tout d'accord, parce que, en fait, elle le connaissait pas du tout. 15 jours après, ils étaient fiancés, et c'était un parfait étranger. Mais ce qui intéressait Agatha Christie, c'est justement que c'était un parfait étranger, qu'il était très différent de tous les jeunes hommes, bien qu'elle avait côtoyé jusque-là, trop bien élevé. Elle les trouvait trop bien élevé. Voilà, et le dernier lui avait dit « Attendez-moi 2 ans, je repars à Hong Kong et quand je reviens, on se remariera. » Mais elle avait déjà 22 ans et c'était trop long. Et donc, ils se sont mariés très vite, puisqu'ils se sont mariés. Après 6 mois plus tard, il était pilote, il est parti tout de suite sur le front dans la Somme. Il était très courageux, Archibald. Il était très beau. Et les pilotes, à l'époque, c'était des dieux, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et ils se sont mariés lors de la première permission, à Noël 1914, sans fleurs, sans couronne, il n'y avait personne, il n'y avait même pas sa mère. 2 jours plus tard, Archibald est reparti, et pendant 4 ans, ils vont se voir en tout 15 jours. Et donc, elle le connaîtra pas beaucoup, hein, franchement. Et est-ce qu'ils étaient faits l'un pour l'autre? Sans doute que non. Et donc, le divorce va être quelque chose de terrible pour elle, parce Mais qu'elle l'aimait. Mais avant le divorce, il se passe quand même quelque chose de fondamental, parce que ils ont eu une petite fille, Rosalinde. Ravissante. Voilà, et elle l'a notamment suivie pendant plusieurs mois pour faire un tour du monde. C'est là, d'ailleurs, où elle a découvert le surf. Mais quand ils reviennent, on a l'impression justement qu'Archibald a dû, il aime bien être voyagé, être dans un avion ou tout ça, mais que quand il est posé, ça va pas. Et en fait, il a une aventure, plus qu'une aventure, une liaison, une maîtresse. Et quand il lui annonce ça, Estelle Manceau, que fait Agatha Christie? Parce que c'est énorme. Agatha Christie décide de partir. Alors, elle a pour décision de partir réellement, puisqu'elle laisse un mot à sa secrétaire. On est le soir du 3 décembre 1926. Elle laisse un mot à sa secrétaire. Elle prévient quand même sa fille de ne pas s'inquiéter. Et elle part. Elle part avec sa voiture, avec une petite valise, quelques affaires. Elle part dans la nuit. Et bien sûr, le lendemain, le 4 décembre, on ne trouve pas Agatha. Elle disparaît. Elle disparaîtra pendant plus de 11 jours. Et là est la question qu'on garde tous en tête, est-ce que c'était voulu ou non? J'aurais tendance à dire que non, parce que c'est un accident. En fait, sa voiture va percuter un arbre à côté d'un lac, un lac qui s'appelle Silent Pool, et dont la police va pendant des jours chercher un corps. Scotland Yard. Chercher un corps. Finalement, ce corps, ils ne le trouveront jamais. Et Agatha sera mystérieusement dans un hôtel sous le nom d'emprunt de Thérèse Neal, qui est le nom de famille de la maîtresse. C'était une amie d'Agatha. Elle avait 25 ans, Agatha avait 36. Comme toute jeune femme normalement constituée, elle était horriblement jalouse, elle a refusé le divorce. Jusqu'au bout, elle a cru que son mari resterait avec elle. Il est revenu 3 mois à la maison. Il a promis de ne plus voir Nancy Neal. Elle avait retenu dans un hôtel pour une remise en forme d'un week-end. Et le matin, il lui a dit que non, que tout était fini. Que le soir, qu'il avait revu Nancy malgré ses promesses et que le soir même, ils allaient même se fiancer au cours d'un dîner chez des amis. Et à ce moment-là, elle a enlevé sa... Il faut préciser que Archibald lui avait quand même demandé d'être relativement discrète sur parce qu'il ne fallait pas froisser Nancy Neal, justement. Vu la publicité qui a été faite autour de la disparition d'Agatha Christie, c'est pas son fait à elle. Hein. Mais il y a eu un emballement médiatique. En fait, elle est montée dans sa voiture et elle voulait se suicider. Moi, je suis la première à faire toute la lumière là-dessus, hein, et je commence le livre là-dessus parce que c'est l'acte fondateur de l'Agatha Christie écrivain. À partir de ce moment-là, elle va vraiment être toute seule et être obligée d'écrire ses romans. Donc, elle va devenir une professionnelle. Elle est montée dans sa voiture. Elle était tellement fatiguée, vous savez, elle ne dormait plus que 2 heures d'affilée par nuit. Le médecin avait dit, il ne faut pas la laisser seule. Sa secrétaire était partie pour la soirée à Londres. Et donc, elle est restée toute seule dans cette grande maison. Ils avaient acheté une grande maison qui était beaucoup trop grande pour elle, avec 13 chambres, etc. C'était beaucoup trop luxueux. Ça leur convenait pas du tout. Ils avaient pris un tournant qui leur convenait pas du tout. Ils gagnaient beaucoup d'argent, mais c'était trop. Et donc, elle est restée toute seule et elle s'est dit, je ne peux pas rester. Elle a attendu que sa fille s'endorme. Elle a embrassé son chien. Elle a écrit les 2 lettres, une à son mari, une à sa secrétaire. Et elle est montée dans sa voiture sans rien dire aux domestiques. Il y avait un couple de domestiques qui l'ont vu partir en trombe et tout ça. Elle est allée à Londres. Après, elle sait pas pourquoi. Après, vous savez, quand on est dans cet état-là, on ne sait plus ce qu'on fait. Oui, parce qu'après, quand elle a retrouvé Archibald, elle a dit, mais je ne sais même pas qui vous êtes. Non, elle ne voulait absolument pas le retrouver. Non, elle voulait se suicider, c'est tout. Elle pensait que la vie n'était plus valable, elle aimait son mari, elle ne voulait pas du divorce. Elle avait été élevée par une mère et des grands-mères très victoriennes pour qui on ne se mettait pas en avant, on ne parlait jamais de soi. Et surtout, on ne divorçait pas. Et quand en pleine nuit, moi j'y suis allée à cet endroit, à la même époque, c'est-à-dire début décembre, c'est un endroit sinistre, hein, épouvantable, où il fait noir à 4h de l'après-midi, et donc là il était 11h du soir, quand elle est arrivée là, elle est montée, vous savez quand on monte en haut d'une colline, qu'on desserre le frein à main pour... pour tomber dans une carrière de craie, c'était pas un lac en fait, c'était une carrière de craie qu'elle avait repérée l'après-midi. Et il y a en fait un buisson providentiel qui a arrêté la voiture, mais avec le choc, elle a perdu conscience de qui elle était. Et c'est quelque chose que les médecins connaissent, hein. Ça s'appelle une perte de mémoire, et donc elle ne savait plus qui elle était, mais elle était tout à fait capable d'agir quand même, hein. Donc elle a marché jusqu'à la gare la plus proche, et elle est arrivée à cette station thermale, qui n'était pas celle à laquelle elle avait retenu. D'où la confusion. Et surtout, avec ce nom de Thérèse Neal. Donc les journaux, pendant 11 jours, ben, vous savez ce que c'est, les journaux. Oui, emballement médiatique, mais en même temps, du coup, toute l'Angleterre a découvert brodé, et elle leur pardonnera jamais. Mmh. Et Hercule Poirot, dans tous les livres, se plaindra des journalistes qui racontent n'importe quoi et de la police qui cherche des indices pour rien, alors qu'il ferait mieux de s'attacher à la psychologie des personnages. On va continuer de parler de la vie incroyable d'Agatha Christie, mais évidemment, on va faire une petite pause musicale avec La Femme et le sang de mon prochain. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant. pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain. La femme avec le sang de mon prochain dans Blockbuster, évidemment sur France Inter. Bienvenue sur l'île du diable. J'espère que cet endroit vous plaît. Il vous ressemble. Je l'ai choisi pour vous. Alors, c'est qui avait raison? Elle dit plus rien, l'autre bouche, avec son balai dans le cul. Oh putain, je le savais. Oh, c'est un jeu. Vous avez du génie, Kelly. Ça n'est pas évident quand on vous voit comme ça. Les uns à côté des autres. Mais vous avez tous un point commun. Réfléchissez bien. Il y a des choses si difficiles à dire, n'est-ce pas? Permettez-moi de le faire moi-même. Vous avez tous commis un crime. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un secret honteux finit toujours par se payer. Vous allez payer votre crime. Et le prix est inestimable. On ne doit pas avoir le même sens de l'humour, là. Excusez-moi, Vincent, mais je commence à trouver ça plutôt amusant. Attendez. Vous avez tous commis un crime? Et toi? Bah arrêtez de flipper, les gars! On passe à la télé, là! Là, on nous regarde! C'était un extrait de la mini-série Ils étaient 10, diffusée sur M6, une relecture, une adaptation très très libre du roman d'Agatha Christie par Pascal Legier. Alors, on a parlé donc de ce divorce, et tout de suite après, il y a ce grand voyage qu'elle va faire dans ce train. Estelle Monceau, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce fameux train? Je crois qu'il est un peu connu, je crois. Ah bah, l'Orient Express. Alors, elle aura deux grands trains qui l'inspireront, Agatha, le train bleu et le train de l'Orient Express, qu'elle va prendre pour descendre au Moyen-Orient de Calais. Et ce n'était pas prévu, comme l'a dit Béatrix. Et finalement, elle va se retrouver au Moyen-Orient, dans ce train. Elle va y rencontrer des personnages et ça va devenir aussi une source d'inspiration pour elle, tout comme elle est fascinée par les bâtisses, les maisons. Ça va être une autre forme de huis clos, un autre lieu qui l'inspirera pour le crime de l'Orient Express et pour d'autres. Le train bleu d'ailleurs aussi, un autre de ses titres que j'aime beaucoup. Et voilà, en fait, elle va se retrouver sur le Moyen-Orient et je pense qu'il y a aussi cet effet de voyage qu'elle aime, dont elle s'inspire, ce temps qui passe, ce temps qui file et la pression qu'a le lecteur quand il lit des livres où il y a des trains. Elle-même l'avait parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y allait trouver au bout du chemin. loin. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi le voyage, et c'est ça qui vous donne... Presque sans bouger, en étant à l'intérieur d'un wagon, en regardant par la fenêtre, on voit plein de cultures différentes, plein de paysages qui changent, alors que nous, on est toujours dans le même... Donc il y a quelque chose d'un petit peu magique... C'est ça, c'est un huis clos finalement, un huis clos en mouvement, et aussi les personnages qu'on rencontre dans un train, c'est toujours des origines différentes, que ce soit des origines sociales ou ethniques, et en fait ça va aussi venir pimenter les personnages de ces romans dans les trains, dans les maisons. Il y a aussi les gens qui servent, qui sont là en livret, qui sont là pour servir, qui ont toujours un rôle assez important finalement, que ce soit dans les trains, dans les bâtisses, mais le train de l'Orient Express va être une figure emblématique. Et l'est toujours d'ailleurs. Le train aujourd'hui reçoit du public et on peut avoir une expérience à la Hercule Poirot dans l'Orient Express. Et elle pousse son voyage jusqu'en Mésopotamie, c'est la région aujourd'hui qui contient l'Irak. Et là, elle va rencontrer, alors non seulement elle trouve de l'inspiration, mais elle va surtout trouver l'amour de nouveau. Béatrix, c'est là qu'elle rencontre l'archéologue. Alors, c'est à son second voyage, hein, parce que la première fois, elle va visiter une ville qui vient d'être découverte, qui s'appelle Ur et qui est extraordinaire. Et elle est très amie avec l'archéologue et avec sa femme surtout, et qui lui demande de revenir l'année suivante. Et l'année suivante, elle y retourne, et c'est là où elle rencontre Max Mallowan, qui a 25 ans, et qui lui fait visiter d'autres villes archéologiques. Et un jour, ils sont en panne dans le désert, et elle s'endort à l'ombre de la voiture. Et Max se dit, mais voilà la femme idéale, qui se fâche jamais, qui est toujours de bonne humeur, qui prend toujours les choses du bon côté. Et il lui dira que c'est là qu'il a décidé de la demander en mariage. Alors au début, elle dit que c'est pas possible, etc., etc. Et puis finalement, elle se rend compte qu'elle est heureuse avec Max et qu'avec lui, elle va enfin vivre la vie qu'elle a toujours rêvé d'être. Parce qu'en fait, il y aura vraiment eu trois étapes entre Agatha Miller, donc là où elle s'est constituée, Agatha Christie qui est devenue cette autrice mondialement connue, voilà. Et en devenant Agatha Mallowan, elle s'est réappropriée une forme de vie privée et où voilà, elle vit dans des intérieurs plus cossus. Mais surtout, elle l'a suivie aussi durant ses fouilles archéologiques et elle a vécu des choses qu'on supporterait pas. Et un peu comme Kipling. Et le chantre de l'Inde impériale, Agatha Christie, c'est celle qui a fait connaître le Moyen-Orient à des millions de lecteurs qui vont permettre, grâce à elle, de monter dans un train mythique, de descendre et de visiter les temples de l'Égypte avec Mort sur le Nil, de se rendre compte de ce que c'était que la vie d'un archéologue avec Meurtre en Mésopotamie. Et ça va inspirer toute son œuvre et ça va faire ses grands best-sellers, parce que Le Crime de l'Orient Express est Mort sur le Nil, qui d'ailleurs vient d'être tourné par Kenneth Branagh et qui doit sortir incessamment, qui devait sortir pendant le Covid. C'est vraiment ses grands titres, hein, quand même. C'est par là qu'elle a été connue, en plus de Dix Petits Nègres. Et il y a aussi cette pièce, ce cadeau que la reine, alors pas Elisabeth, mais celle qui l'a précédée, lui a demandé pour son anniversaire. C'est-à-dire qu'on est quand même face à quelqu'un qui est tellement important pour l'Angleterre que la reine lui dit, comme cadeau, j'aimerais avoir une pièce radiophonique. Oui. Et c'est la BBC qui lui dit « Majesty, what would you want pour cadeau ?» Et elle dit « une pièce d'Agatha Christie ». Agatha Christie, elle a réfléchi et puis elle a donné sa réponse le soir en disant « bah oui, ça m'intéresse, je vais le faire ». Parce qu'elle refusait, après son divorce et après toute cette histoire où elle a fait la une de l'actualité, sa vie conjugale a été mise à la une pendant 11 jours, elle a refusé toutes les interviews, elle refusait de passer à la radio, à la télévision. Et là, pour une fois, elle a accepté et ça a tout de suite été un succès. La reine, elle était ravie. Elle était ravie et ça sera sa pièce qui fera d'elle vraiment le grand, grand auteur. Hein, parce que la et qui se joue toujours, c'est-à-dire que c'est devenu un passage obligé à Londres d'aller voir la pièce d'Agatha Christie. Il y a un nombre de représentations, mais incroyable. En France, on a la cantatrice chauve, mais là-bas, ils ont la souricière. Et d'ailleurs, dans le contrat, c'était spécifié que la pièce pourrait être tournée en film quand elle ne serait plus à l'affiche et elle n'a jamais elle été jamais tournée été, en film. En fait. Oui, et j'ai appris aussi que, comme elle était déjà très très confortable financièrement parlant, que pour l'anniversaire de son petit-fils, elle lui a cédé les droits. Oui. Donc, et ce petit garçon s'est retrouvé... Milliardaire. Milliardaire dès son... Ouais. Voilà, c'est malheureusement la fin de cette émission. Vous l'avez compris, il y a plein de choses à dire sur Agatha Christie. Nous étions en compagnie de la blogueuse Estelle Manceau et de l'historienne et journaliste Béatrix Delannoy pour parler de l'œuvre et la vie d'Agatha Christie. J'imagine que maintenant vous avez envie de la relire, et moi aussi, pour tout vous dire. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou, comme d'habitude, sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça ne lui suffit pas. Ciel, ma Marie. Demain dans Blockbuster. Dans les années 80, ils étaient deux à faire du sport à la télé. Bernard Tapie et lui. Dans les années 80, ils étaient deux à être bronzés même en hiver. Jacques Séguéla et lui. Dans les années 80, ils étaient deux à avoir un tigre de compagnie. Michael Jackson et lui. Demain, on parle de Musclor, les maîtres de l'univers. France Inter.